Vous allez passer une heure en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. Et tous les dimanches matins, avec Accordéon Parade, c'est la fiesta Michel Pruvot. Et nous allons continuer dans le Paso Doble. Oh, pardon. Pardon, monsieur Mimi de Prudhomme. Je vois que vous voulez présenter le morceau. C'est un Paso Doble. Eh bien, on vous écoute, Émile Prudhomme. Mesdames, mesdemoiselles, un Paso Doble parfumé, ça n'arrive pas tellement souvent. La Violetera. Ah. Thank you. jolie des montagnes, d'abondance jusqu'en vasier. Tu règnes sur bois et campagne, on est si bien quand vient l'été. Près de là, dans sous les branches, tous les deux nous irons danser. Et profiter d'un beau dimanche, allez valser. La plus jolie des montagnes, d'abondance jusqu'en vincier. Tu règnes sur bois et campagne, on est si bien quand vient l'été. Près de là, dans sous les branches, tous les deux nous irons danser. Et profiter d'un beau dimanche, allez valser. Merci à Virginie de nous avoir présenté la perle du Chablais. Une valse de Pierre-André. Et bien sûr que vous écoutez Accordéon Parade, le plateau d'accordéonistes le dimanche matin. Le bonjour de l'accordéon et c'est de 9h à 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien sûr que sur les 91 MHz, nous allons avoir une heure d'accordéon ce dimanche. Et dimanche prochain, eh bien nous n'aurons pas une heure, mais nous aurons deux heures d'accordéon parade, puisque Michel va fêter ses 1900 jours d'accordéon parade sur Sorgia FM. Et oui, on sait que la perle du Chablais, c'est joli Virginie, merci, merci. Mais quand Aimable jouait, eh bien ça donnait ça et c'est René Grolier à l'accordéon. Et merci à René Grolier de nous avoir interprété quand aimable jouet. Maintenant, c'est un breton. Ah, plutôt non, c'est une valse bretonne que nous allons écouter. Et c'est Jules Nicoli, un sympathique accordoniste corse, qui nous interprète cette valse. Thank you. Et merci à Manu Mauguin de nous avoir offert cette fiesta mexicaine. Merci à Annie de nous avoir offert cette polka du baril de bière. Oh Julie! Merci Erika, sympathique accordoniste qui nous vient de Belgique. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et comme tous les dimanches sur les 91 MHz de votre radio sympathique, c'est Michel qui vous tient compagnie avec ses amis accordéonistes. Et la semaine prochaine, c'est entre nous, Michel va fêter ses 1900 dimanches passés à votre compagnie, c'est presque 35 ans d'émission. Alors Accordéon Parade, bien sûr que c'est le bonjour de l'accordéon. C'est une émission pour les mordus du dépliant. Et c'est 100% musette sur la bande FM. Et à toute fin utile, je vous rappelle, qu'Accordéon Parade est une émission qui est rediffusé le mardi à partir, eh bien oui, à partir de... 10h. Et puis quand on entend l'accordéon, eh bien on se croit à la kermesse, bien sûr, à une kermesse. Et puis, eh bien, pendant kermesse, c'est Monsieur Marceau qui va nous interpréter un morceau de 1935, Kermesse marche Marceau, le grand Marceau. Thank you. Voilà, merci à Marceau, à ce grand monsieur de l'accordéon que j'ai eu le plaisir de rencontrer deux fois, une fois à Annecy et une autre fois de chez lui à Gournay-sur-Marne. C'était un homme formidable, sympathique et d'une simplicité. Mais ceci dit, on va continuer à accordéon parade avec un morceau interprété par monsieur André Verschuren. Et voilà, André Verschuren. J et Java. C'est la monnaie. Thank you. Olé! Et merci à André Trichot qui vient nous interpréter ce passodoble. Auparavant, c'était Augusto Baldi qui nous interprétait une valse de sa composition. C'est une valse musette de sa composition. Voilà. Allez, on va continuer avec une sympathique jeune fille qui nous vient des îles. C'est Yasmine dans un pot-pourri de samba. Pour toi ce chant d'amour, c'est un refrain. rappelle la joie de mes plus beaux jours. Oh mon Auvergne, près de toi sans rester, ma jeunesse et toi ma belle, que je reverrai. Je te revois danser au son de la cabrette, et nos matins valsaient au rythme de la fête. Ma douce Maria, tu étais si coquette, je te disais tout bas, je t'aimerai toujours, qu'ils sont loin ces jours. Oh mon Auvergne, je chanterai toujours les bois, les monts et les plaines de mes premières amours. Et toi, Maria, attends-tu mon retour? De mon espoir, de mes rêves, se lève le jour. Je reviendrai danser au son de la cabrette, où nos matins valsaient au rythme de la fête. Ma belle Maria sera la plus coquette. Je lui dirai tout bas, je t'aimerai toujours, il est beau ce jour. Oh mon Auvergne, bientôt ce chant d'amour résonnera dans la plaine pour annoncer mon retour. Et toi, mamie, ma belle Maria, je te dirai, ma chérie, je reste avec toi, car j'aimerai toute la vie. Merci à André Tivet qui vient de nous interpréter « Oh mon Auvergne ». Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Toujours accordéon parade avec Michel et ses amis accordéonistes, comme tous les dimanches de 9h à 10h. Émission rediffusée le mardi à partir de 10h. La semaine prochaine, Michel va fêter sa 1900e émission sur votre radio sympathique, sur GFM. Et ses 1900e émission d'accordéon. Presque 35 ans. Alors pour ça, je vais vous faire un petit cadeau. On va écouter de l'accordéon pendant 2 heures et vous pourrez danser. Par exemple, vous pouvez danser le passo doble avec Étienne de Normandie. Thank you. Eh bien oui, un grand bravo à Étienne de Domornac qui vient nous, de Normandie, qui vient nous interpréter ce merveilleux passe-double. Et puis maintenant, c'est le portrait du 78 tours offert par les primitifs du futur. Alors, écoutez. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez des disques 78 tours? Et oui, j'ai des 78 tours qui passent, mais maintenant, c'est les clés, c'est les 78 tours, c'est les 45 tours, c'est les 33 tours. Je cherche de vieux musettes, de vieux jazz, d'avant la guerre, tout comme ça. Quand quel dimanche matin, à la porte de Saint-Ouen, la partie en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse bon, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine, d'un tas de noirs aux galettes. Il déterre un petit bulle chouette, c'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau, c'est la vraie valse musette qui lui fait tourner la tête, plus français des amerlots, c'est Pébert Chapeau. Dites, laissez-moi regarder un peu, j'étais là avant vous. Victor contre Paramount, vous vous foutez de ma gueule? Si vous voulez ce disque, il faut acheter le lot. Il y en a 300, je peux vous faire un prix. Quand vient le dimanche matin, à la porte de Saint-Ouen, le glas parti en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse beau, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine, d'un tas de noirs aux galettes, il déterre un petit bulle chouette, c'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau, c'est la vraie valse musette qui lui fait tourner la tête, plus français des amerlots, c'est Pébert Chapeau. Wir eine Platte von einem bizarren deutschen Jazzorchester. Robert Johnson on Romeo, mint copy. Et on a tout ramassé, on n'a rien laissé pour les autres collectionneurs. Quand vient le dimanche matin à la porte de Saint-Ouen, de la partie en Chine, qu'il gèle ou bien qu'il fasse bon, il ne porte qu'un veston en guise de gabardine, d'un tas de noires galettes, il déterre un petit doux chouette, c'est lui le roi du phono, c'est Pébert Chapeau. It's mint, my friend. Eh bien, merci. Merci à Daniel Collin de nous avoir interprété ce merveilleux portrait du 78 tours. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai passé Musette d'Augusto Baldi. Eh bien, je l'avais, ce disque, je l'ai trouvé à Saint-Ouen un dimanche matin. Eh oui, c'est ça. Mais il y a quelques années, il y a bien longtemps de ça. Allez, on est parti pour le dernier morceau. Chantons-moi du tête, cet air si entraînant, qui sent si bon la fête, le bon des vacances, le bon bout de la bière, bras dessus, bras dessous, ensemble faisons les fous, ces grands rendez-vous. Oh oh, oh oh. En s'en faisant, oh oh oh, et que l'on répond, oh oh oh. La la la la, la la, la la. Bien, Dominique. Il a été repéré par Florent Gori, sympathique accordéoniste qui nous vient de Vesoul. Oh, marcheurs, les marcheuses. T'as vu la Dominique? Nous allons pour te distraire, t'offrir un petit frère. Je reproduis même, moi j'aimerais mieux un petit rien pour faire un petit tout. Il a l'air tout, mais j'aimerais mieux un petit rien pour chanter ce petit refrain. Thank you. Et merci à Michel Pruvot qui vient de souhaiter une bonne fête à tous les Hubert, puisque hier, c'était la Saint-Hubert. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. C'est fini. Je vous rappelle que l'émission a été réalisée, programmée et présentée par Michel. Et la semaine prochaine, ça sera la 1900e émission ou le 1900e dimanche que je suis dans les studios de Sergio FM pour vous présenter cette merveilleuse émission d'accordéon, Accordéon Parade. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et à bientôt. Également, je vous souhaite de passer un bon mardi, puisque l'émission est rediffusée mardi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. À votre compagnie pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Et merci d'être branché sur les 91, sur les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM. Ça va. Nous avons le soleil. On peut encore aller se balader à la campagne, à la montagne. Que du bonheur, que du bonheur. Je pense que vous allez bien, à vous, auditrice, auditeur de Sergio FM. Bien, si ça va, on va aller faire un petit tour au Tyrol. Thank you. Et pour continuer, eh bien, nous allons écouter un petit Georges Brassens, et c'est pour le sympathique Alain à Saint-Germain-de-Joux avec un grand, grand merci. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Che fa male.

Et le titre de l'émission que je vous propose, eh bien, c'est Accordéon Parade. If I had a hammer, I hammer in the morning, I hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out by the love between my brothers and my sisters, all over this land. Ooh, ooh, ooh, if I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. Hey! I'd ring out danger, I'd ring out a warning, yeah, I'd ring out for the love between my brothers and my sisters, all over this land. Ooh, ooh, if I had a song, I'd sing it in the morning, I sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, yeah, sing out a warning, yeah, I sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer, and I've got a bell, yeah! And I've got a song to sing all over this land, yeah! Yeah! It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song of the love between my brothers and my sisters, all over this land. Yeah. Now I've got a hammer, man, I've got that bell. Now I've got a song to sing all over this land. Yeah, yeah. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song of the love between my brothers and my sisters, all over this land. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera va a parpadear. Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, sala rosa, besar tus labios quisiera. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candú. Casser les pieds, la vie est bien trop belle pour la laisser filer. Assumer notre sexe, vivre sans complexe. 36 heures sur 24, c'est vivre en coco boy. Coco girl, tu es l'idiot de tête, tu es l'idiot de tête. Tu es l'idiot de tête, tu es l'idiot de tête. Rencontre un coco boy, ça fait du oui, ça fait du you, ça fait du you, du la. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.

là il n'y avait plus rien, rien que mes yeux dans tes yeux, rien. Merci à Robert Cogol qui vient de nous amener près de sa rivière. Of all the boys I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By mere fist of shame, please let me explain. By mere fist of shame means your brain. By mere fist of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven derbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere fist of shame. So kiss me and say you understand. You've heard it all before, but let me try to explain. By mere fist to shame means that you're grand. By mere fist to shame is such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven derbar. Each language only helps me tell you. Thank you.

des poètes et de l'accordéon, des traditions qui passent le temps. C'est le Cantal et le Puy Griou, les moulins d'Ali, de jolis bourrées. Lyon, sa cuisine connue de partout, les Alpes si belles aux vertes vallées. L'air est si pur et les gens d'ici aiment leur pays, l'amour et la vie. Que j'ai rencontrée, elle est si belle qu'elle restera celle qui sera toujours ma rose d'amour. Dès le printemps, on s'est marié, il passe le temps dans notre vallée. Et oui, nous sommes dans une belle région, Rhône-Alpes, Auvergne, et c'est le sympathique Pierre-André qui nous a interprété un de ses succès, Rhône-Alpes, Auvergne. T'écouter dormir. Il n'est pas loin le temps de ton premier sourire. Et puis un jour, tu me laisseras là. Je connais les enfants. Un enfant, c'est comme ça. Et puis je revois dans tes yeux mes souvenirs d'enfants. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Bien oui, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, je vous dis bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et bye bye, à bientôt.